Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont connectés. Sans tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Dans Ésaïe au chapitre 11. Mu kitabu kia Isaya sura ya 11. Ésaïe au chapitre 11. Isaya sura ya 11. Nous prendrons le verset 6. Tuta beba mustari ya sita. Le verset 9. Kisha mustari ya kenda. Et le verset 10. Na ile mustari ya kumi. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Tuinamishe bichwa juu ya maombi kidogo. Père céleste. Baba wa kumbingu. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Nous sommes tes créatures et nous sommes tes enfants qui bénéficient de tes multiples grâces. Si ce n'était pas ta grâce, aujourd'hui nous serons très éloigné de ta présence. Leo hii tulipasha kuya mbali sana na uwepo yako. Et nous serons dans le lieu de ténèbres. Na tulipasha kuya fashi ya magiza. Et marchant dans tous les désordres sur cette terre. Na mkutembea mfujo yote pa idunia. Mais ton amour manifesté au bois du calvaire. Lakini mapendo yako ilionyesha kumuchi ya msalaba. Et le sang versé pour nous. Na damu ulimwanga juu yetu. Nous a racheté de notre manière mauvaise de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons marcher correctement dans ta parole. Tu as dit que ceux qui t'appartiennent et qui sont nés dans ton royaume, tu leur accordes une compréhension claire. C'est le Saint-Esprit qui les fait père. Comme tu étais descendu, comme tu l'avais fait avec les apôtres avant ton départ, tu leur ouvris les oreilles, l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Fais-les avec nous ce soir. Et nous te serons infiniment reconnaissants. Bénis chacun de nous. Bénis cette église d'une manière particulière. Bénis ses frères et ses sœurs qui prient pour son avancement spirituel, qui la supportent par les dîmes et les offrandes et par leur présence régulière. Souviens-toi de ceux qui sont attachés à cette église en ligne. Quand tu béniras ceux qui sont présents ici, ne les oublie pas. Du début à la fin de ce culte, sois honoré. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Ésaïe 11, verset 6. Les loups habitera avec l'agneau. Et le panthère, la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux, les lionceaux et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Ngombe na mtoto wa simba na banyama ba mafuta batakuwa pamoja. et un petit enfant le conduira. Na mtoto kiloko njo atabongoza. Verse 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Yulu ya mulima yangu takatifu. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Sababu dunia itajaa na ufahamu ya milele. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Sawa mwisho ya bahari na ile maji kunaifunika. En ce jour, mwile siku, les rejetons de David, chipuko ya Isaïe, sera là comme une bannière pour le peuple. Itakuya pale sawa bendera juu ya taifa. Les nations se tourneront vers lui. Mataifa itageuka kwake. Et la gloire sera sa demeure. Na utukufu itakuya makao yake. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomea neno yake. Nous avons parlé du rétablissement ou de la restauration du royaume d'Israël. Tulisemea juu ya kurudishwa kwa ufalme ya Israël. Le rétablissement du royaume d'Israël. Kurudishwa kwa ufalme ya Israël. Va se faire dans le millénium. Itafanyika mule miaka elfu moja. Avec Christ comme le chef, comme le fils de David. Pamoja na Kristo mwenye kuya mwana wa Daudi. Cette pensée, comme l'avons montré hier, de la restauration du royaume d'Israël. Ile wazo paka vile tulionyesha jana ya kurudishwa kwa ufalme ya Israël. Était une très grande préoccupation pour tout Juif. Ilikuwa mangaiko mkubwa sana kwa Myuda wote. Étant sous la domination des Romains, benyekuya chini ya utawala ya Waroma, c'était réellement des esclaves, des gens sans liberté. Barikuya kabisa batumwa bantu bashibukwa na uhuru. Avant qu'ils ne soient dominés par les Romains, mbele ya Waroma kubatawala, ils étaient passés par un moment de persécution. Balipitiaka wakati moya hivi ya mateso mkubwa. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont connu le martyr. Avec l'arrivée de Christ. Wakati Christ arikuya, tout Juif voyait en lui la consolation d'Israël. Muyuda wote alionaka ndani yake faraja ya watoto ya Israël. Nous vous avons dit hier. Tulimionesha jana. Que cette manière de voir les choses pour Israël, ile namna ya kuona kwa bintu kwa watoto ya Israël, était liée à leur comportement. Ilikuwa yenye kuambatanishwa na mwenendo wabo. Ils n'avaient pas tiré attention aux prophéties annoncées par leurs prophètes. Aba kuanze kusopoka kwa maunabii ilikuwa natangaziwa na banabii babo. Il fallait d'abord que Christ vienne pour racheter. Il pacha kwanza Kristo apate kuya juu apate kukomboa. Il fallait qu'il vienne pour payer le prix du rachat. Alipacha kuya juu kulipa bei ya ukombozi. Il fallait qu'il vienne pour verser le sang afin de racheter l'homme. Alipacha kuya juu kumwanga damu juu apate kununua mtu. C'est après cette opération du rachat. Ni kisha ile kazi ya ukombozi. Que le royaume d'Israël pourrait être rétabli. Ambayo ufalme ya Israël ilipasha kurudishwa. Mais quand il est venu, lakini wakati alikuya, et pourtant il était venu pour eux, japo alikuyaka juu yabo, mais Israël l'avait rejeté. Lakini Israël alimkatala. Et en rejetant leur Messie, na Mungu mkatala masia wabo, ils ont été chassés de leur territoire. Bali bafukuza mu jimbo yabo. Et ils ont été dispersés dans le monde entier. Na barizambaratika dunia mujima. Et le salut est allé vers les nations. Na wokovu ilienda kubatu ya mataifa. Et pendant cet âge de l'Église, les nations ont profité de la grâce du Seigneur. Na mumabizazi saba ya kanisa, batu ya mataifa barifaidia na ukombozi. Ils ont bénéficié de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Barifaidia wema na rema ya Mungu. Mais Dieu n'avait jamais oublié Israël, comme nous l'avons déjà montré. Lakini Mungu yeye ashikusahabu kama Israel paka vile tulimeonesha. Parce que son cœur est attaché aux promesses faites à leur père. C'est ainsi, comme l'avons déjà dit, lorsque Dieu aura terminé avec les nations, c'est alors qu'il retourne vers Israël pour achever la dernière semaine qui manquait aux 70 semaines de Daniel. Dieu a kumaliza ile juma ya mwisho ilianzaka kukosa kwa juma 17. Même pendant la dernière semaine, le royaume d'Israël ne sera pas rétabli. Hata kwa ile juma ya mwisho ufalme Israel haitarudishwa. C'est après la guerre d'Armageddon. Nikisha mvita Armageddon. Lorsque Christ viendra pour se venger contre les ennemis d'Israël, wakati Kristo atakuya juu kulipiza kisasi kwa adui ya Israel, Satan sera maîtrisé, Shetani batamushibamisha, il sera arrêté, batamubamba, il sera lié, batamufunga, et jeté en prison. Na kumutupa mugereza. C'est à ce moment-là, ni mwile wakati ile, qu'après les noces de l'agneau, kisha karamu ya mwana kondoo, Christ maintenant descend Christ yuko nashuka sasa sur la terre pa dunia, et sur une terre déjà purifiée. Na dunia yenye kusampishwa. Une terre déjà sanctifiée. Dunia yenye kutakaswa. Et là, il vient régner avec son épouse. Na pale yuko natawala na bibi yake harusi. Comme roi. Sawa mfalme. Et comme fils de David. Na sawa mwana wa Daudi. C'est ce que nous avons dit hier. Ni ile tulimeonesha jana. Et on ne peut pas parler du règne de 1000 ans. Hatuweze kusemea juu ya utawala wa miaka 1000. Sans la présence de Christ. Bila uwepo ya Kristo. Qui est le prince de la paix. Mwenye kuya mfalme wa salama. C'est Christ qui viendra dans le millénium pour établir un royaume qui ne sera jamais détruit. Un royaume qui va subsister éternellement. Un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Et pendant ce temps, comme l'avons montré hier, Israël ou les 144 ressuscitent. Israël a oublié bantu mia na makumi ni watafufuka. Ils entrent pour régner, pour vivre dans le millénium. Wanaingia juu ya kuishi millénium. Et Jésus-Christ, comme fils de David, na Yesu Kristo sawa mwana wa Daudi, va régner sur eux. Atatawala yulu yabo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada yangu. Ce que nous avons dit hier. Ndio ile tulisema jana. Nous avons dit hier, na tulimeonesha jana, que quand tant que prince de la paix, sawa mfalme wa salama, il ne peut pas régner sur un monde troublé. Ashiweze kutawala mudunia ya fujo. Non. Hapana. C'est lui qui apporte la paix. Ni yeye qu'on aleta salama. Il va régner sur une terre pacifiée. Ata tawala mudunia yenye kuwa na salama. Pendant son règne, katika utawalo yake, pas de guerre, hakutakuwa vita, pas de conflit, hakutakuwa makokotano, pas d'opposition, hakutakuwa bapo, pas de division, hakutakuwa kukabulana, même la mort n'y sera pas, hakutakuwa talufu, le péché n'existera pas, Zambia itakuyako, il n'y aura pas de maladie, hakutakuwa magonjwa, pas de souffrance, hakuna mateso, pas de douleur, hakuna maumivu, parce que toutes ces choses là, c'est Satan et les démons, shetani na mademona, qui les ont déversés sur la terre, njoba ribimwanga pa dunia, comme Satan Satan et les démons seront arrêtés, seront en prison, même les nations païennes qui avaient combattu pour Israël, qui avaient défendu Israël, auront comme bénédiction de vivre aussi 1000 ans, bien qu'ils n'ont pas, donc bien qu'ils n'ont pas la vie éternelle. C'est ce que nous avons dit et nous en parlerons encore davantage. C'est pourquoi ici dans Ésaïe, comme nous l'avons lu hier, voyez, quand Satan est écarté, il y a la paix parmi les hommes. Il y a la paix dans les mers. Il y a la paix parmi les oiseaux. Il y a parmi la paix parmi les bêtes. Toutes choses ou toute la création respire la paix, respire la joie, respire le bonheur, parce que le prince de la paix est en train de régner. Il n'y aura plus de bêtes qui s'entredévorent. C'est vrai. Et même les enfants qui naîtront ne mourront pas avant d'atteindre 1000 ans. Il n'y aura pas d'hommes qui n'atteindront pas le 1000 ans. Le 1000 ans sera l'âge de la vieillesse. Vous voyez, parce que comme nous allons le montrer bientôt là, le millénium n'est pas un monde parfait. Non, bien-aimés frères, prenons Ésaïe 65. Je pense que l'église est avec moi. Ésaïe 65. Commençons au verset 18. Nous pouvons aller même jusqu'au verset 25. Réjouissez-vous plutôt Furaene, et soyez toujours dans l'allégresse. Namue paka katika shangwe. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Et mon peuple ma joie. On n'entendra plus les bruits de pleurs et les bruits de cris. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. C'est pourquoi il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura pas les bruits de cris. Donc les cris de la souffrance, les cris, les bruits des cris de gémissement, ça n'existera pas avec le prince de la paix. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui accomplissent leurs jours. D'autres traductions disent, il n'y aura plus de bébés qui ne vit que quelques jours. Dans le millénaire, il n'y aura pas de mort-né. Pas de bébés qui meurent. Pas de jeunes gens qui meurent. Pas des hommes adultes qui meurent. Non bien-aimés. Les adultes ne mourront pas avant d'être vieux. Abba avant d'atteindre les 1000 ans. Vous voyez. Donc tout homme qui vivra dans les millénaires ne mourra pas. Même les enfants qui naîtront dans les millénaires ne mourront pas. Les jeunes, le plus jeune qui mourra à 100 ans sera considéré comme une malédiction. C'est-à-dire, tous atteindront le 1000 ans, il n'y aura pas de jeunes qui meurent. Pourquoi? Parce que la malédiction elle-même ne va pas exister dans le millénium. La mort est liée à la malédiction. La mort est liée au péché. C'est le péché qui amène la mort. C'est Satan qui a amené le péché. Mais Satan ne sera plus. Vous voyez, il sera en prison. Et les démons seront en prison. Ils n'auront pas le temps de venir semer du désordre parmi les peuples. Parce que tout le monde aura la pensée saine. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Ils bâtiront. Ok. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le péché âgé de 100 ans sera maudit. Ce que je venais d'expliquer. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Vous voyez là le millénium. On bâtira des maisons. Ce n'est pas nous qui bâtirons des maisons. Non, bien mes frères. Dans le millénium, il y aura les 144 000. Il y aura les vierges folles. Et il y aura encore toutes ces nations païennes qui ont reçu grâce devant le Seigneur, c'est eux qui bâtiront les maisons. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Nous allons vivre dans le palais avec Christ. Nous travaillons déjà. Quand j'ai tout connu, passa, inécha enéa. Wakati tutenda mu millennium tuko nenda ni kupumzika. C'est vrai frère. Ni bya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bya kweli dada. Retenez cela parce que je reviendrai. Mubambe ile juju. Le millennium c'est un jour de repos pour nous. Ni siku ya mapumziko kwetu. Nous n'allons pas travailler là-bas. Hatutumika tena kule. C'est pourquoi aujourd'hui travailler dur. Ndio kwa maana leo tumika nguvu. Jeûner, prier, lisez la parole de Dieu. Ya Mungu. Vivez correctement. Travaillez pour le Seigneur. Travaillez pour son église. Travaillez pour les saints. Travaillez pour la parole. Neno. Parce que nous sommes encore, vous voyez, munaona, dans les jours de l'homme où nous pouvons travailler. Ya muntu mule tunapasha kutumika. Mais là, lakini kule, les gens qui vivront dans le millénium, ils bâtiront de maisons et les habiteront. Amutaku ya bia kufui. Ma nyumba hii tuko nafuya leo ni kazi ya shetani. Mama shamba tuko nafuya leo ni kazi ya shetani. Convoitise yote natoka ku kazi ya shetani. Mais quand nous serons de l'autre côté, kile mtu atatumikia na nikipata kitakuwa kiake na atafurahiwa nacho. C'est ça la vie dans le millénium. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Nous n'allons pas faire nous les champs là-bas. Il y aura beaucoup de serviteurs et de servantes pour servir l'époux et son épouse. Pour servir le roi. Et la reine. Ils ne bâtiront pas de maison Abata enga manyumba. Pour que notre les habite. Tu montu mwingine akuye kaliemo. Ils ne planteront pas de vignes. Abata dima pour mavigne. Que notre en mange le fruit. Tu mwingine akuye kule matunda yayo. Tu ne mourras pas pour laisser ton héritage à quelqu'un d'autre. Awezo kabulia ma uriti yako kwa mtu mwingine. Tu ne peux pas mourir dans le millénium. Aweze kufa miaka. Pour laisser ta maison à quelqu'un d'autre. Ya kuacha nyumba yako mtu mwingine. Tu ne mourras pas au millénium. Utakufa miaka 1000. Tu laisses ton chat à quelqu'un d'autre. Tu achie mashamba yako mtu mwingine. Mes frères, pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier les fruits comme il en est aujourd'hui sur la terre. Vous voyez, quelqu'un peut travailler durement. Il se fait des privations. Vous voyez, il ne mange pas bien. Il expose même sa santé pour avoir l'argent. Et quand il meurt comme un pauvre. Il meurt comme un maudit. Et le fruit de son travail est abandonné à quelqu'un qui n'a même rien fait pour cela, un fainéant. Quelqu'un qui n'a rien fait pour ce travail. Et celui qui va profiter du travail de celui qui a beaucoup souffert. Quand Salomon a compris ça, il dit vanité de vanité. Tout est vanité sur cette terre. Mais là, dans le millénium, il n'y aura pas de vanité. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Vous voyez, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, comme nous le faisons aujourd'hui. Et ils n'auront pas d'enfants. Abata kwa na batoto. Abata zala batoto. Pour les voir périr. Non, bien mes frères. Aujourd'hui, quand les enfants naissent, ils sont exposés aux maladies, ils sont exposés à la mort. Pendant que vous les chérissez encore, il y a la malaria qui l'emporte. Ça ne sera pas dans les milléniums. Les germes de toutes les maladies seront sanctifiés, seront brûlés. Il n'existera pas de germes de maladie. Là-bas, pas de typhoïde, pas la malaria, pas de cancer, pas de diabète, pas de tout. C'est vrai, frère. Il n'y aura rien là-bas. Il n'y aura même pas de tuberculose. Vous voyez, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront. Ils formeront une race bénie de l'Éternel. En d'autres termes, ils seront de la race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront à eux. Et là dans le millénium. Vous voyez, parce que ceux qui vivront sur la terre, ils ne vivront pas avec le roi. Ils doivent adorer. Ils doivent prier. Sur la terre, ils vont continuer à prier. Vous voyez, et pendant cette période là, ils prieront et ils seront exaucés. Oh, qu'ils prient, ne peut manquer d'être exaucés. Avant même de m'invoquer, je répondrai. Avant qu'il y ait cessé de parler, j'exaucerai. Vous voyez, voilà la vie de ceux qui vivront dans le millénium. C'est vrai, frère. Avant que tu ne termines la phrase, Dieu a déjà exaucé. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme les bœufs mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Vous voyez, muntu moya atabakia mwenye kulaniwa nipaka nyoka. Malédiction itamushindikisa mule pendant que banyama bote yoko na kulia mayani ye atenda kura bulongo comme Dieu l'avait dit parce qu'il a mal fait. Dieu a fait kitu kibaya. Oui, bien, mes frères. Non, bien, non, c'est le seul animal qui va rester en train de manger la poussière. Il avait très mal fait le serpent. Viens, Nefera. Il ne va plus mordre les gens. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Prénom Zacharie. Tuchuku et Zacharie. C'est pourquoi il faut combattre pour ça. Dieu comment n'a pas choisi combattre. C'est l'objet de notre foi. Dieu China ya imani. Nous allons vivre dans le millénium. Dieu a quoi n'a quoi n'a quoi ici au dans la nouvelle Jérusalem. Mou Jérusalem amoupia. Nous combattons. Nous luttons pour aller vivre. Avec le c'est ça le combat de l'épouse. Un, être enlevé. Deux, aller au nos. Effecté pendant 7 ans. Trois, descendre dans le millénium. Vivre avec Christ. Ou régner avec Christ. Vous voyez? Et encore, après les 1000 ans, on va encore juger avec Christ. Et après cela, nous allons entrer dans la nouvelle, dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. C'est-à-dire, nous allons aller à l'éternité. Vous voyez bien, mes frères, nous voulons hériter toutes ces promesses-là. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Nous voulons être là. Parce que c'est ça notre objectif. C'est pourquoi nous avons cru. C'est pourquoi nous combattons. Zacharie chapitre 14. Dans son verset 9 jusqu'à 11. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine. De Gebar à Rimon. Au midi de Jérusalem. Katika midi ya Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé. Na Jérusalem bate pandisha. Et restera à sa place. Na itabakia pa fashi yayo. Voyez bien mes frères. Na wapendo wanduku. Depuis la porte de Benjamin. Jusqu'au lieu de la première porte. Jusqu'à la porte de l'angle. Kufika pa mulango ya angle. Depuis le tour. Tangia kule. Kutur. Ananaël jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein. Et il n'y aura plus d'interdit. Il n'y aura plus de maudit. Jérusalem sera en sécurité. Que Dieu soit glorifié pour toutes ces belles promesses. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. La nouvelle Jérusalem, et donc la nouvelle Jérusalem, le millénium, c'est notre promesse. Il y a beaucoup de choses, nous allons en parler davantage. Mais suivez-moi encore très bien. J'aime éclairer quelque chose. Le millénium. Et le septième jour, ni le millénium, mwaka elfu moja, et le septième jour, ni siku ya saba, qui est le jour du repos, yenye kuwa siku ya mapumziko, et qui est le sabbat. Na yenye kuwa sabato. Vous tous, vous savez, selon la Bible, que Dieu avait créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Maintenant, cette première création, lorsque Satan, par le serpent séduisit Ève, et par Ève, Adam fut conduit à la désobéissance. La terre fut ravie entre les mains de l'ennemi. Donc la terre fut pris entre les mains de l'ennemi. Dunia ilinyanganywa ku mikono ya shetani. Non, non, free pri. Shetani alibeba dunia. Voyez, c'est récupéré entre les mains d'Adam qui était l'héritier de la terre. Alibeba mu mikono ya Adam ule alikuwa mrithi wa dunia. Cette premier monde. Ile dunia ya kwanza ile. Que Dieu avait créé pendant 6 jours. Ile Mungu aliumbaka mashiku sita. Dieu était dans l'obligation de recommencer une nouvelle création. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis Adam jusqu'au déluge, il y a eu 2000 ans. Depuis le déluge jusqu'à Jésus-Christ, vous voyez, il y a eu 2000 ans. Et de Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui, nous tendons maintenant à l'enlèvement, il y a encore 2000 ans. Le 2000 ans selon le calendrier de Dieu va s'accomplir après le départ de l'épouse. Voyez, ça fera 6000 ans. Vous voyez, c'est ainsi que le millénium devant Dieu. Voyez, parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Voyez, un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Vous voyez, c'est ainsi, c'est un jour là, c'est un jour prophétique. Nous aurons le temps d'en parler. J'avais déjà parlé de cela il y a longtemps avec l'ancienne génération de l'église. Et la nouvelle génération, on n'a pas encore parlé de ça. Nous allons en parler. Vous voyez, c'est un jour prophétique. Un jour prophétique est égal à 1000 ans. Ils sont devant le Seigneur. Comme l'enseigne Pierre. Alors, c'est ainsi que le millénium est le 7e jour, le jour du repos, le jour du sabbat. C'est pourquoi nous, en tant qu'épouse, lorsque nous allons dans le millénium, nous n'allons pas pour travailler, nous allons pour régner avec Christ, parce que nous avons déjà suffisamment travaillé. Vous voyez bien, mes frères, et le millénium, c'est un monde imparfait. Vous voyez, il y a de l'imperfection, beaucoup d'imperfection dans le millénium. Bien que Satan est lié et tous les démons sont en prison, mais dans le millénium, il y a des gens irrégénérés à qui ils vivent. Ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas cru au sang de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui nous amène à la perfection. Quiconque ne croit pas au sang versé au bois du calvaire ne peut être parfait devant Dieu et n'atteindra jamais la perfection. Et ces gens-là sont là. ils vont vivre par la grâce du Seigneur. Wataishi kupitia neema ya Bwana. Voyez bien mes frères. Unaona wapenda wa ndugu. Voyez bien mes sœurs. Unaona wapenda dada. Ils sont irrégénérés. Ils ont le cœur de pierre. Beko na maro ya maibwe. Mais seulement, lakini, ils n'ont pas Satan et les démons pour activer le mal qui est en eux. Un homme irrégénéré, c'est un homme inconverti, c'est un homme non racheté, un homme qui n'est pas né de nouveau. Il a encore les germes du péché en lui. Tous ceux qui ne seront pas nés de nouveau, ni qui mouillent tatoulisano. Vous voyez, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Vous voyez bien mes frères, c'est un monde imparfait, le millénium. Et observez dans le millénium, il y a encore la notion de temps. Là on compte encore les jours, les heures. Donc les heures, les jours, les semaines, les mois, les années. C'est ainsi qu'on compte les mille ans. Il y aura des calendriers, il y aura la notion de temps. Et là dans le millénium, il y aura la naissance des enfants. On va construire des maisons dans le millénium. On va planter des vignes dans le millénium. Pourquoi? C'est toujours l'ancienne création. On n'a pas changé cela. L'église est avec moi. Pas il est ni pas quand il est boulongo ya kwanza. Il est dunia ya kwanza. Adam na Eva likalaka. Mais il est en bas Shetan eri munyanganyaka. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien monde. Voyez bien mes frères. Et dans le millénium, c'est un ancien monde qui a été purifié. Oui bien mes frères. Oui bien mes sœurs. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont totalement différent du millénium. Même quand vous lisez les Écritures, ne confondez pas le nouveau ciel et la nouvelle terre avec le millénium. Le mille ans, c'est autre chose. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est autre chose. La nouvelle terre et le nouveau ciel existeront après le trône blanc, après le dernier jugement, tandis que le millénium existe avant le trône blanc, avant le jugement. Ils sont seulement séparés de ces petits temps où Satan sera relâché, où il conduira le monde dans la quatrième guerre mondiale que nous appelons la guerre de Gog-Magog. L'église est avec moi. Donc le millénium est entièrement différent du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre dans les Écritures est appelé le huitième jour. Le millénium, c'est le septième jour. Le jour de repos. Tandis que la nouvelle terre et le nouveau ciel, c'est le huitième jour. Qu'est-ce qu'il y avait le huitième jour? Là, je vais expliquer cela plus tard. Quand je vais parler des fêtes en Israël. Il y avait huit fêtes en Israël. Les sept fêtes qui représentaient les sept ans de l'église. Et après les sept fêtes, il y avait la huitième fête où on célébrait la fête des tabernacles. Et cette fête-là, du huitième jour, n'était autre que le retour au premier jour. Haikukua ingine sawa kurudia kwa siku ya kwanza. Voyez bien mes frères. Unaona wapenda wanduku. Voyez bien mes sœurs. Unaona wapenda wadada. Donc après le septième jour, kisha siku ya saba, il y avait le huitième jour. Kulikuwa siku ya munane. Une journée de la sainte convocation. Voilà les termes que la Bible utilise. Le jour de la sainte convocation, c'était le huitième jour, après le jour de repos. Et là, le huitième jour, c'était le retour au premier jour. Là où on célébrait la fête des tabernacles. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est maintenant l'éternité. Sasa pale ni milele. Et là, na pale, il n'y a plus la notion de temps. Na mule amuta kwa mambo ya wakati. Voyez la différence? Dans le millénium, il y a la notion du temps. Mule muko mambo mais dans les nouveaux cieux, et sur la mupia, nouvelle terre, dunia mupia, il n'y a plus de notion de temps. Mambo parce wakati. Que c'est l'éternité. On entre dans l'éternité. Mule. Et quand on entre dans l'éternité, c'est un monde parfait. Ni ulimwe kamilifu. Vous voyez, c'est dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre que nous entrons dans l'éternité, dans un monde parfait. Et là, na mule, Satan n'existe plus. Shetani ashita kuyako. Vous voyez, unaona? Il sera complètement anéanti. Ata malizika kabisa. Dans le millénium, il existait, mais il était dans la prison. Mais atakuwa mkifungo. Tandis que là, dans les nouveaux cieux, mule mbingu mupia, et dans les cieux, la nouvelle terre, mupia, il sera complètement anéanti. Il n'existera plus avec des démons. Ashita kuyako. Satan ne vivra pas éternellement avec les démons. Là, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne vivront pas là. Vous voyez bien mes frères, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui ont vécu sans nouvelle naissance dans le millénium sont tués tous dans la guerre d'Armageddon. Ils sont jugés au trône blanc. Et après leur condamnation, ils sont mis dans le feu. Ils seront complètement anéantis. On ne parlera plus de démons. On ne parlera plus de Satan. Vous voyez, là c'est un monde parfait. Et là, dans les nouveaux cieux, dans le nouveau ciel, et sur la nouvelle terre, là il n'y a plus de construction de maisons. Vous voyez, comme dans le millénium. Là, on ne construira plus de maisons. Pourquoi? C'est parce que Jésus est déjà parti nous préparer une place. Les maisons seront déjà construites par le Seigneur. Chacun de nous là aura un domaine. Là, nous aurons des palais. Un domaine. Des fois, quand on parle du domaine, tout le monde ne comprend pas. Vous savez qu'ici au Congo, il n'y a aucun palais. Vous voyez bien mes frères. Là, il n'y aura plus de construction. Car tout est déjà construit. Pour les élus. C'est ce que Jésus-Christ dans Jean chapitre 14 avait promis. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes sœurs. Jean 14, verset 2 à 3. Là, vous n'allez plus construire. C'est vrai. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. C'est-à-dire, le seul Dieu tout-puissant. Et l'unique éternel. Croyez en lui. Et croyez en moi. Moi, Dieu manifesté en chair. Moi, Elohim. Moi, Emmanuel. Mi Emmanuel. Voyez. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs palais. Dans la maison. il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Dans d'autres traditions, il écrit. Il y a plusieurs palais. Dans les domaines de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, ce palais et ce domaine que Christ est allé nous préparer. C'est dans les nouveaux cieux, et sur la nouvelle terre, là dans l'éternité, où là tout sera restauré, parce que le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est un Eden restauré, c'est la nouvelle création, et là c'est l'éternité où Jésus-Christ comme roi vivra avec ses sujets dans un corps de chair. Oui, bien mes frères. Oui, bien mes soeurs. Tous ceux qui vivront sur la nouvelle terre, ils vont voir Jésus dans la chair glorifiée. Tout le monde verra Jésus. Parce que l'objectif de Dieu, depuis que l'homme est tombé, après le rachat, il voulait venir vivre avec lui. Il voulait vivre en lui. Et il voulait devenir un homme. Un homme de chair. C'est ça l'objectif de Dieu. Il voulait devenir un homme pour vivre avec des hommes. Et cette parole-là, et cette pensée, voyez, et ce plan-là va s'accomplir dans l'éternité, quand il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est dans l'éternité que cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 15 s'accomplira. L'écriture s'accomplira. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27. Voyez, pouvons nous commencer au verset 6. Le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Aliweka biote chini ya mikulu yake. Mais lorsqu'il dit, lakini wakati anasema, que tout lui a été soumis, sema biote bili muti, il est évident ni ya konekana, que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Ule alimutiisha vitu vyote ni mwenye kuitosha. De qui on parle? Leo unasemea nani? On parle du père et du fils. Leo unasema juu ya baba na mwana. Qui est le père? Baba ni nani? C'est Elohim. Ni Elohim. Qui est le fils? Mwana ni nani? C'est la chair. Ni mwili. Voyez bien mes frères. Unaona upendo wa ndugu. Maintenant quand nous serons de l'autre côté, il n'y aura plus la notion du père et du fils. Ya baba na mwana. Ces titres ont été emprunté par Dieu. C'est pour un problème de rachat. C'est pour des relations du rachat. Mais dans l'éternité, après qu'il ait accompli tous les rachats, vous voyez, ces relations n'existeront plus. Là, il n'y aura plus de maladies. Vous voyez, il ne sera plus un médecin. Il ne sera plus un sauveur. Il a déjà sauvé. Voyez bien mes frères, cette notion du père et du fils, ce sont des titres, ce sont des fonctions que Dieu lui-même a pris à cause du rachat de l'homme. Quand il aura tout terminé comme rachat, voyez, cette notion-là disparaîtra. Le corps sera entièrement soumis à l'esprit. Ils ne sont pas demain une seule personne. Et lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tout en tous. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Et là, il sera l'unique éternel. Il sera l'unique roi. Il sera l'unique Dieu. Là, tout le travail du rachat est terminé. Maintenant, le plan de son plan du rachat, son plan du salut est complètement achevé sur la terre, sur sa création, sur l'homme. Et là, nous vivrons sur une terre sans danger. Bila Atari. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Quelqu'un dira. Je vais visiter. Napenda kutembelea. Mon roi. Mufalme wangu. Il va aller. Ataenda. Il va visiter, il trouve Jésus assis. Atafika na mkuta Yesu. Lui dans un corps glorifié. Yeye mwili utukufu. Son sujet aussi dans un corps glorifié. Na bantu yake mwili utukufu. Il parle. Batanda comme le roi avec ses sujets. Na bantu yake. Il n'y aura plus d'imagination. Akutabia kuwazia. Tout sera une réalité. Yote itakuwa mambo. Comme vous êtes là. Comme je suis ici. Na hivi niko hapa. Jésus là. Yesu pale. Avec ses sujets. Na bantu yake. Sur cette nouvelle terre. Mwili dunia mupya. Plus de danger. Akutakuwa plus de colère, plus de tempête. Voyez, c'est Satan qui suscite les tempêtes. C'est vrai, frère. Satan n'existera plus. Voyez, il a déjà été complètement néanti par le feu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi, par révélation et par les écritures, ce huitième jour est comparable au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Quand Christ est ressuscité, il est passé de la mort à la vie éternelle. Vous voyez, c'est la même chose que nous expérimentons lorsque nous naissons de nouveau. Nous naissons pas de nouveau par nous-mêmes, nous naissons de nouveau par l'œuvre du calvaire. Quand nous passons de la mort à la vie éternelle, quand nous entrons dans la vie éternelle, ça c'est notre huitième jour. Et pour entrer dans ce huitième jour, où on vivra éternellement, c'est Christ qui nous a fait entrer dans ce huitième jour. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Les restes des choses, nous en parlerons. Nous sommes qu'au début. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que c'est bien? Eti ni bizuri. Est-ce que c'est bien? Eti biko bizuri. Ça se comprend? Biko naeleweka. Ce sont nos promesses. Ni malako yetu. Voyez, nous n'avons pas seulement l'évangile. Atuna paka na injili. Nous n'avons pas seulement l'enseignement. Atuna paka na masomo. Nous avons aussi la prophétie. Tuko na unabii. Maintenant toi, sasa wewe, qui pense que nous sommes en train de passer notre temps utilement, Satan te trompe. Satan na kulanda. Devant nous, mbele yetu, tout sera réalité. Yote bitakuwa mambo ya kweli. Tout ce qui est promesse aujourd'hui, yote ni kwa malako leo, sera réalité. Les promesses d'aujourd'hui sont vérités, sont véridiques, sont réelles. Dieu ne nous a pas trompés. Parce que Jésus, pour notre Dieu, n'est pas une source trompeuse. Travaillez à votre salut, vous allez hériter toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Remercions le Seigneur pour ces belles promesses. Que chacun de nous mette sa main à la pâte, qui travaille pour le royaume, qui travaille pour son salut. Que les choses de la terre ici ne vous retiennent pas loin de la présence du Seigneur. Que les champs, que la l'argent, ma feza, que le travail, ma kaji, ne vous retienne pas loin de la parole de Dieu, na neno ya Mungu, loin de l'église, mbali na kanisa, que dans votre cœur, que l'amour de Dieu, ya que la soif de Dieu, ki ya Mungu, il naisse il zarike, pour travailler votre salut, afin d'hériter toutes ces bonnes promesses. Ces promesses n'est pas pour les musulmans, n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ces promesses ici, c'est pour toi, c'est pour moi. Que le nom de Jésus Christ soit glorifié. Prions-nous tous ensemble. Merci Seigneur.